nous chasserons les barbares et les fous. Qui ne croit pas que la démocratie capitaliste va en soi. Nous voulons un monde meilleur. Thank you. Si vous n'en êtes pas, alors allez voir ailleurs. sur vos écrans, vous le rappelez d'ailleurs. Thank you. Thank you. différentes, tout nous oppose. Thank you. Thank you.